Vas-y, Joe, nous t'écoutons. L'autre groupe, c'était Verdun. Ah, t'as eu Verdun, toi ? J'ai eu Verdun, oui. Mon pauvre. Oh, la vache. C'est con, on les trouve même pas sur Spotify du tout. Si. Bah, moi, je les ai pas trouvés. Ah, j'ai écouté. Ah ouais ? Ah ouais. Donc, moi, j'ai écouté sur YouTube. J'ai pas trouvé, moi. Ah, bah... Alors ? Et non. Voilà. J'ai pas accroché. C'est vrai ? J'ai pas accroché. Ah, bah, moi non plus. Hein. Et, j'ai même eu du mal à trouver des infos sur eux. Mais heureusement, je l'ai trouvé sur l'appli. Ah, elle est bien, cette appli. Petit groupe de Montpellier. Ah. Donc, au niveau du style... Aucune classe. Donc, c'est le manque de tact. Pardon, ces sudistes font également bouger les lignes dès lors qu'il s'agit d'apposer une étiquette au style qu'ils développent. Brassant à tout va du sludge, du doom, du hardcore lent et ténébreux. Des riffs secs et lourds, un groove à briser les vertèbres. Voilà. Ah bah j'ai pas écouté ça, moi. Ouais, pour moi non plus. J'ai pas du tout écouté ça non plus. Pour moi, c'était un truc planant, un truc d'ambiance. C'est ça. Et c'était pas... Il n'y a pas beaucoup de chants. Ouais, non, mais c'est très... C'est lourd, c'est quoi. C'est du doom, mais... Parce que j'ai trouvé beaucoup de choses sur Verdun. Non, moi c'était une playlist. Moi c'était la playlist du Hellfest avec dedans le groupe Verdun. C'est un bon groupe. J'ai vérifié, j'ai checké. Mais non. Donc, voilà. Des vocaux incantatoires, des atmosphères psychédéliques. Ça, ok. Ils sont pas un peu inspirés d'Electric Wizard, non? Un truc comme ça? Enfin, je sais pas. Non, ça ressemble pas un peu à ça. Si. Quelqu'un est là, Electric Wizard? Dans la veine de celle proposée par Burning Witch, Electric Wizard ou Amen Ra. Bah, j'aurais pas dit ça. Grosse claque en perspective. Bah ouais, grosse claque, mais pas. Enfin, moi j'ai pas aimé. Pas dans ce sens-là. Non, grosse claque, fait dodo. Je t'aimerais pas Electric Wizard non plus. Mais j'ai écouté, hein. J'ai pas aimé. Mais pas pour les mêmes raisons, tout pareil. Enfin, pour moi j'ai pas trouvé ça. Ouais. C'est pour Electric Wizard, mon problème en fait, c'est que j'ai trouvé. Pour être honnête, j'ai écouté. Ouais, non, mais c'est du doux, mais 5 minutes. Electric Wizard ? Non, Verdun. Ah, j'ai écouté, je me suis forcé à écouter 3 chansons. À un moment donné, j'ai fait ah, peut-être. Et puis, donc vite fait, non. Ouais. Donc, ouais. D'accord, Bob ? Alors, j'ai donc... mis 5 minutes pour éviter de dire une chanson. Hey. Donc, moi, après, ensuite, c'est. Oh vache, après, ensuite. J'ai peut-être un synonyme. Non. Valkyrja. Ah, j'ai écouté ça. Valkyrja. Donc, Temple, 13h35. Pour bien faire, Valkyrja est un groupe de black metal suédois. Ah, ils sont que black metal, Valkyrja ? Bah, apparemment. Ah, oh, putain, j'aurais cru que ça s'approchait un peu d'autre chose. Voilà. D'accord. T'as pas aimé ? Hein ? Non, d'accord. Ok. Y'a quoi en parallèle ? Ah, y'a Animal is Leader et Left Lover Crack. Bah, tu vois, là, je ne sais pas. Là, entre quelqu'un a écouté Left Lover Crack ? Pure balance. Moi, je vais aller les voir. Moi aussi, je vais aller les voir. Moi, j'ai pas écouté. C'est un mélange de punk et de ska. Franchement, c'est pas mal. Ah, c'est ça, je dis pas de conneries, y'a punk et ska. Ça fait très bizarre, quoi. Mais ça marche très très bien. C'est gentil, ça. Et le problème, c'est qu'il y a... Ah oui, d'accord. Les New Yorkais, c'est ça ? Ouais. Non, ouais. C'est très sympa. Ouais, ok. D'accord, donc rien d'autre sur. Bah écoute, j'ai pas eu envie. T'as écouté un peu ou pas du tout ? Ouais, j'ai écouté un peu, ouais. C'est pour ça que j'ai pas eu envie. Moi, j'ai écouté une chanson, ça m'avait pas trop déplu, quoi. Ouais, non, mais après, je suis pas fan du black metal. Bah non, moi non plus. Et voilà. Mais j'ai écouté, hein. J'ai écouté 3 ou 4 morceaux. D'accord. Et j'ai écouté moi, jusqu'à la moitié quand même, hein, de chaque morceau. Avant de me faire. Alors. Je ne vais pas. Du coup, moi, j'ai un autre groupe, du coup, parce que plus on avance et j'entends des choses et je me trouve d'autres excuses, voilà. J'entends des voix. Donc j'avais Betraying the Martyr à écouter aussi. Je l'ai écouté. Ouais. Et comme disait Bob, voilà. Ah bon ? Ouais. Oh bah putain, moi. Alors, Betraying the Martyr, c'est le groupe. Sous quel. Main Stage 1, deuxième. Ok, d'accord, je l'ai. Et ben moi, étonnamment, j'ai écouté, je suis pas devenu genre, ah c'est trop bien, mais j'ai eu envie d'écouter un peu plus, et je pense à aller les voir, parce que je préfère quand même ça à Booze et Glory, que j'ai pas autant aimé que toi, Joe. C'est du deathcore, c'est ça ? Ouais. Non, mais c'est pas désagréable, hein. Enfin moi j'ai pas trouvé ça désagréable. Mais après, moi c'est pareil, il y a des groupes sur scène. Bah des fois tu peux avoir des claques, hein. Non, mais tu peux te dire, ouais, c'est pas mal à l'écoute, et puis tu les vois sur scène, en fait... C'est ce qui me fait peur avec Tyr, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Mais, écoute, Et vice versa, quoi. Et oui. Les groupes que t'écoutes, que tu n'es pas forcément accroché. Et, en fait, sur scène, ouais, ça en voit, quoi. Ah bah, si on peut prendre l'exemple des deux dernières années, il y a deux ans, Bob, je lui dis, vas-y, viens, tu vois, ça va être bien. Ouais, je sais pas, j'ai plus envie. Je dis, ah, viens. Il dit, oh, putain, c'était trop bien. Corne. Voilà. C'est vrai ou pas? Non, c'est totalement c'est faux. C'est totalement non. faux. Je t'ai pas dit ça comme ça. J'étais curieux de voir ce que donnait Korn sur scène. La première année, j'ai pris une baffe et la deuxième année, je me suis pas fait prier pour y retourner. et t'as pas aimé? Ils ont joué en plus blind en entier première année, avec tout, hein, vraiment avec la tout. Totale. L'album entier. Ouais. Avec 3 ou 4 morceaux à la en fin. Plus, ouais, en plus. Deux, trois. Mais non, excellent show. Puis même la réaction de Jonathan sur la coupure de, ouais, de son qu'il y a eu coupure de son, a ouais. été plutôt cool. Aucun personne, ils n'ont pas fait les relous, ils n'ont pas fait. Voilà. On a vu le demi-show de Marilyn Manson, il a été plus casse-couille que voilà. Voilà. Et pourtant, tout a bien fonctionné. Voilà, donc. Donc voilà. Non, super cool. Les mecs reviennent en plus l'année d'après pour faire un show voilà. excellent. Non, franchement, top. Ils ont assuré. Donc c'était juste pour dire que c'est vrai que des fois, tu prends des claques sur des groupes auxquels tu t'y attends pas. Et je suis content de les avoir vus. Pour aller dans le même ordre d'idées, moi j'ai suivi Bob plusieurs fois sous la vallée pour voir des groupes que je connaissais pas du tout, et dont Orange Goblin et Truck Fighter, et j'ai adoré ces deux groupes. Truck Fighter, excellent show. Il y a d'autres groupes que malade. Tu m'as emmené voir que j'ai pas aimé. Mais toi non plus. I had God, j'ai pas aimé I had God. Mais toi non plus ce jour-là. Non, non, j'ai pas trouvé le chanteur très. Très véloce. Voilà. Mais bon, c'est pas. C'est ça aussi qui est sympa. C'est que... Et on a été surpris par. C'était pas typo négative. Non, c'était. Ah putain, ils en parlent dans le magazine de ce mois-ci. Mais ouais, en plus. C'est monsieur qui est devenu madame. Voilà. Joe, tu fais quelque chose, toi. Putain. Alors attends. Je l'ai. je vais pas m'en rappeler. Typo négative. Non, c'est pas du tout. Ils sont pas là cette année en plus. C'est chiant. Joe, Mob. Je sens que ça vient. tu vois pas qui c'est, toi? Non, mais non. De chanteur est devenu une chanteuse. Ça te parle pas? C'est pas Life of Agony, non? Life of Agony. Ah, c'est ça. Isaac. Ah putain. Et franchement, on est super surpris. On est passé par hasard, on était derrière la console son du mec, et on a regardé, et on n'est pas parti en fait. Ouais, on est resté jusqu'à la fin. Putain, voilà. Excellent. Et on était tout le temps comme de con en train de te dire, mais c'était pas un mec le chanteur. Ouais, c'est ça, parce qu'on savait pas. Il a changé de sexe. On savait pas qu'il avait fait cette opération, et du coup. Voilà, mais c'était. Non, c'était vachement bien. Donc à moi, je vais repartir. On avait fait le tour de ça. Je vais repartir sur. Alors, le groupe qui est parfait pour une chronique, Sick of Stupidity. Pourquoi? Parce que c'est du grindcore. Et le grindcore, j'y connais rien. De base. Et franchement, l'avantage, c'est que c'est court. On part sur un album de 11 chansons, totalisant 17 minutes. avec la très courte 7-11 ou 7-11 qui dure 12 secondes. Et la très longue Blazing Surge Fist qui totalise pas moins de 2 minutes 10. Bah, il y a une intro. Bon alors, pour moi, franchement, c'est assez inaudible. Mais comme c'est court, t'as pas trop le temps d'y penser en fait. Par contre, minutes. C'est vrai, c'est les paroles en fait. C'est vraiment un mec qui est tout le temps en train de faire du growl pendant tout le truc et tu t'as pas l'impression qu'il chante quoi. Et j'ai regardé des vidéos live et en fait, à des moments où ça s'arrêtait, je pensais qu'il y avait genre une pause. En fait, non, il changeait de chanson. C'était... voilà, c'était horrible. C'était. J'ai pas du tout aimé. Enfin, voilà, le grind, j'y comprends rien. Et parce que j'y comprends rien, ça m'a donné hyper envie en fait de m'intéresser au truc pour parce qu'en fait dans ma tête de sale con, je me dis ouais en fait c'est une blague que tout le monde fait en essayant de faire un style de musique parce que franchement voilà y a rien dans ce... enfin, pour moi j'arrive pas donc je vais essayer de m'y pencher un peu juste par contre le point que je trouve alors en fait j'ai un double point sur la pochette d'album qui m'a hyper choqué parce qu'en fait c'est un mec qui apparemment s'est explosé le crâne. Voilà, c'est ça le titre de l'album. L'album s'appelle One Shot, One Kill. Et en temps normal, j'aurais tendance à dire que je déteste les groupes qui utilisent une image facile pour se faire connaître et tout ça. Sauf que qui, enfin, je sais pas qui connaît vraiment, donc comme c'est du grind. Donc c'est comment le nom? Sick of Stupidity. Ah, Sick of... Ouais, en même temps, Sick of Stupidity. Après, j'ai été faire un tour sur leur page Facebook, les mecs font des tournées mondiales partout quand même. Ouais, bah, voilà, ouais. Donc, ah, non, mais bah, c'est un style qui est vachement apprécié. Il y a, mais il y a même un festival de grind, donc... ouais. Voilà, mais moi, je ne comprends pas. Donc, je ne demande qu'à comprendre. Vraiment. Mais ce n'est pas pour moi, pour l'instant. Une fois que j'aurai compris, peut-être. À toi, Joe. J'avais une petite question. Oui, bien sûr. Du coup, je vois que sur les horaires, bon, voilà, il y a des concerts qui durent 30 minutes. Oui. Est-ce que ça dure réellement 30 minutes ou ça dure un peu plus longtemps ? Non, des fois, ça dure un peu moins longtemps. Ouais, en fait... ah ouais ? Bah, ouais. Parce qu'en fait, c'est un groupe que tu voulais voir ? Non, c'était par curiosité, comme ça, parce que je me dis, est-ce qu'il y a un petit décalage, tu vois ? Il y a toujours du décalage. Ils se sont améliorés, hein, par contre, à ce niveau-là. Ouais, c'est hyper dur. Est-ce que tu vois, il y a une chanson, voire deux grands maximum qui peuvent passer ? Ça veut dire un petit décalage de 10 minutes ? Ouais, sur des grands groupes. Genre, il y a des rappels, même, j'ai vu une fois au Hellfest, terminé par, ça devait être Monster Magnet, ou je ne sais plus quel groupe, comme ça, où on réclamait, c'était vraiment le dernier groupe, c'était Chaos Live. C'était en 2012 ou 11, je sais plus. Et c'était le dernier groupe. Ils clôturaient le dimanche, tu vois, et tout le monde allait se coucher après ou faire la fête. Parce que, tu vois, je me disais que une à deux chansons, ça pouvait faire la différence, des fois, pour boucler un concert correctement. Et si je faisais le cumul des 10 minutes, bon, bah, si tu veux, ça finissait pas si tard que ça, quoi, là. Le cumul de où, c'est quoi, je comprends pas ce que tu dis. Bah, de chaque concert, quoi, si tu veux. Tu voudrais donner 10 minutes à tous les groupes ? Non, mais sur les concerts d'une demi-heure. Ce qui peut paraître assez court, si tu veux. En fait, tout dépend des scènes aussi, parce que si tu prends la main stage 1 et 2, pendant qu'il y en a un qui joue, l'autre se prépare. Donc ça alterne tout le temps, donc tu peux pas perdre de temps. Même si ça arrive toujours qu'ils perdent des minutes, parce que c'est ingérable à 100%, et forcément, après, plus ça va avancer dans la journée, plus ils vont avoir perdu du temps, mais il y a que sur les gros groupes de fin. Ils peuvent se permettre ça, mais sinon en général c'est l'heure. Même si après on fait du cas particulier, si on élimine les main stage. Non, en fait, c'est de ce que j'ai vu moi, ça débordait très rarement, quoi, très peu, quoi. D'accord, c'est juste une simple question. Je voulais dire tout à l'heure, il n'y a aucun rappel, hein. Même le dimanche, il n'y a aucun rappel. D'accord, les mecs, c'est super calé. On a bien compris que justement John Garcia voulait revenir et on lui a dit non, tu reviens pas. Voilà. C'est l'heure. Quoi. Ok, mais c'est pas. Mais ça n'empêche. Je pose la question parce qu'il y a certains festivals où ça peut déborder. Oh, j'ai pu voir des débordements. Est-ce que t'as des gros festivals ? Parce que j'ai l'impression que plus c'est gros. Non, pas des festivals énormes. Bah, moins gros que le Hellfest. Ouais. Bah, c'est pour ça. Je pense que c'est lié à ça en fait. Je pense que c'est le cadrage. Enfin, là, c'est une question de timing et de voilà. Tout est. Tu sais, quand tu lisais l'interview que les groupes avaient déjà pinaillé pour la taille de police sur l'affiche. À mon avis, là, c'est la même chose. Tu vois bien que les premiers groupes durent qu'une demi-heure et plus ça va, plus ça commence après 40 minutes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils se sont améliorés. Parce que moi, je me rappelle Clutch, les deux fois où je les ai vus, c'est des trois quarts d'heure. Et moi, beaucoup de gens gueulaient parce que trois quarts d'heure, déjà, il y avait un temps de préparation. Je crois qu'il y a une fois où ils ont perdu 10 minutes. Tu vois, donc bah, tu te dis 10 minutes d'un concert, c'est un groupe en plus que tu as envie de voir depuis. Ouais, c'est super facile, deux chansons. Quoi. Bah ouais, voilà quoi. Donc ils perdent 10 minutes, mais par contre, tu vois, s'ils doivent s'arrêter à moins quart, qu'ils commencent à 3h, qu'ils doivent s'arrêter à 4h moins quart, ils peuvent commencer à 3h10, mais par contre, ils s'arrêtent à 4h moins quart, tu vois. Donc c'est. Voilà, toi tu te dis, putain, merde, c'est vrai quoi. Ils ont perdu deux morceaux quoi. Ouais. Mais là, par contre, tu vois, maintenant ils jouent 1h. Qui ça ? Bah là, je vois. Red Fang, 17h40 à 18h30. Hein, tu vois, non, mais en fait, c'est plus t'avances dans la journée, en fait. Ouais. Ça commence par une demi-heure, ouais, après 40 minutes, 45 minutes. Et après, ça fait une heure à partir de la mi-journée. Ouais, c'est ça, À partir de 18h, 19h. Dernier groupe joue une heure, tu vois. Et il n'y a pas le droit à des rappels, quoi. Non. Donc voilà, c'est ça qui me... Bah, je pense que c'est hyper compliqué, en fait, à négocier. Bah, et puis il y a aussi les mecs derrière, quoi. Tu dois ranger le matos. Voilà, c'est ça. Bah oui, parce qu'en plus. Faut aussi penser à ces petits gars de l'ombre. Et puis comme on l'a déjà évoqué, mais le Hellfest, toute cette période-là de festival, les groupes partent directement en chaîne avec un autre festival ou viennent d'un autre festival. C'est ça, donc les mecs ne s'arrêtent pas, quoi. Ils ne sont pas genre le lendemain, ils ne sont plus là le lendemain. Quoi, j'ai vu une interview de Neil Fallon, justement, le chanteur de Clutch, il y a quelques jours. Hein. Et il disait qu'il avait. On lui demandait quel groupe vous aimeriez voir, machin. Donc il parlait de Rancid qu'il a jamais vu Je trouve ça assez étonnant. Ouais, c'est bon. Mais en même temps, pourquoi pas, hein. J'adore Clutch et j'adore Rancid. Donc après, du coup, voilà. Pourquoi c'est, pas c'est pas lié. C'est une référence. Non, mais c'est pas forcément. C'est pas lié, non, mais après, voilà. Ils vont faire une tournée avec Mastodon, je crois. Enfin, voilà, c'est très, très différent. Ouais. Avec, ils aimeraient bien jouer. Non, l'année prochaine, je crois qu'ils tournent avec Primus aussi. Ouais. Si j'ai entendu. Ouais, c'est... Ouais. Ils tapent dessus comme ça. Ouais. Donc voilà quoi, après c'est intéressant, on était en train de meubler parce que tu... Voilà, merci, parce qu'en fait Joe était parti faire pipi, ouais. Et on sait pas pourquoi, mais il a, des petites... il a une petite vessie, voilà. Et on doit tout vous dire, ici on joue la transparence. Moi aussi. Oui, d'ailleurs Bob a une plus petite vessie que Joe. Bon bah moi je vais... Je bois beaucoup plus aussi. C'est pas faux. Je vais attaquer... C'est ça, j'ai bu beaucoup d'eau avant de venir, moi, c'est pour ça. Je vais attaquer un groupe... Eh hey, oh que c'est à toi? Bah ouais, c'est à moi. Tu m'as déjà zappé mon tour. Ah, je t'ai pas zappé ton tour. Non, tu zappes tout le monde. Joe, Jack et Joe. Ouais, moi, ça m'arrange, moi, qu'ils zappent. Ah bah, ouais. Vas-y. Bon, il y a un moment où il faut gueuler, non, quoi. Mais écoute, d'accord, hein, tu veux passer avant les autres. Non, parce que tout à l'heure, tu parlais de Grindcore, c'est pour ça que ça m'a fait sourire. Moi, j'ai Exhumed. Ah, Exhumed. Donc, groupe, en plus, c'est un groupe, vous allez me dire, mais c'est fou. C'est dingue. De quelle originalité, de quelle nationalité est ce groupe? J'en sais rien. Je vous donne en mille. C'est un groupe suédois américain de gore grind, death metal. Ah, voilà, avec ça, on est bien. Donc, par an de 6 albums. Ah, quand même. Félicitations. Ah. Bah, voilà. Au nom qui sent bon, le printemps et les petits chatons tout mignons, comme Slogster Cult, ouais. Nécrocratie ou gore metal. Ah. Voilà. Mais ça, c'est que 3 albums. Hein. Donc, je me le suis mis en musique de réveil pour le matin. Bah oui. C'est histoire de me réveiller doucement et gentiment. Ça. Non, c'est du grindcore. Hein. Hein, voilà, donc, c'est, ils aiment les choses. Est-ce que c'est court ou pas musicalement? Ouais, c'est assez court. Ah, bah ça doit être le style en fait. Ça tabasse. Hein, ah, oh non, non, non. Ah oui, c'est ça, t'as vu ça. Voilà. Ouais. Et puis, bah oui, les morceaux sont très courts. Ouais. Voilà, voilà. Et t'as bien aimé donc? Ah, j'adore, moi je suis fan. Tu vas aller les voir? J'adore le troisième. Non, parce qu'en plus, il passe en même temps que Evergrey. Donc... Ah là là. Ah ah, je ne sais pas du coup. Peut-être, peut-être pas. Écoute, à voir. D'accord. Non, je pense que j'irai avoir ni l'un ni l'autre. C'est l'heure de l'apéro? Ah bah oui. Ça doit être ça. Ah bah, attends, ah bah c'est ça, c'est l'heure de l'apéro. Ah bah, 14h15. Ouais, c'est parfait. Il est sous Brosa. J'ai dû écouter le sous-brosa. Alors, je m'en souviens, j'ai pas un souvenir impérissable. Ouais. J'ai mis un petit trait, ça veut dire que j'ai bien aimé, mais pas trop. Rouge. Regarde, Exhumed, j'ai barré. Il y a beaucoup de bleu quand même. Bah, tu veux chier, mon pote. Ah, mais je bon, bah, j'ai parlé d'un groupe qui était dans ma liste, mais qui était un coup de cœur de Joe. Donc, on va en parler en binôme, je pense. C'est Sabaton. Alors, tout a été dit sur Sabaton. Tout. Sauf. Non, tout a été dit, sans déconner. Ah, d'accord. Non, Non, je pensais que vous alliez ressortir quelque chose de nouveau. Ah, donc, okay. Alors, apparemment, Bob s'élève, prend une bière. Ah, j'ai cru qu'il allait pisser, mais il est capable de faire les deux. Je vais boire ma bière en pissant. D'accord. Donc, Sabaton, c'est un groupe de métal suédois, de power metal, plus précisément, qui a des claviers. Je dis ça parce que moi, je les entends beaucoup. C'est vrai. La particularité du groupe, en dehors de son changement de line-up depuis toujours, il reste que le bassiste et le chanteur. Ce sont les textes basés principalement sur les guerres qui ont marqué l'histoire. C'est hyper épique, c'est hyper plein de claviers. C'est pas désagréable, mais moi, ça me procure rien. C'est néant. C'est dommage parce que du coup, moi, je trouve ça plutôt délirant. Et quand je dis délirant, je trouve que ça devrait procurer la même chose à tout le monde. Ah bah non, mais c'est comme moi, tire. Hein. Tire, pour moi, tout le monde devrait aimer. Pour l'instant, je suis tout seul. Voilà. Non, mais je comprends, je sais, c'est un groupe qui cartonne. Quand je dis tout a été dit, c'est parce que ça fait 2-3 ans, le groupe cartonne de chez Carton. Donc c'est une grosse tête d'affiche, hein. T'as vu où ils sont placés. Non, non, c'est pas un petit groupe. Ils sont vraiment appréciés, tout ça. Juste, moi, bah déjà, il y a beaucoup de claviers quand même. C'est vrai, ouais. Voilà. Et en fait, c'est le style de musique, moi, qui me parle pas forcément. Mais est-ce que t'as écouté, comme je t'avais conseillé, Powerwolf? Oui, du coup, j'ai vachement bien aimé. Ouais, et, tu vois, je l'ai mis dans ma liste. Tu trouves pas que c'est un peu similaire? Je suis parti pour aller les voir, tu vois. Et tu trouves pas que c'est assez similaire? Non, je trouve quand même que c'est différent. Ouais, non, bon, bah, moi, ça m'a fait un peu penser à ça, mais c'est pas... Et donc, vraiment, parce que, bah, ça... en fait, le truc, c'est que Sabaton, je dirais pas que c'est pas bien, je dirais juste, c'est pas pour moi. C'est vraiment, voilà, c'est pas pour moi, trop de claviers, trop de trucs épiques. Bah, ouais, voilà, moi, je le prends d'une autre manière, en fait, c'est ça. Non, mais... Bah, je suis plus dans le délire d'aller voir ça. Mais toi, t'as adoré, toi, vraiment. Bon, j'ai adoré les temps, quoi, c'est ça. Ouais, un peu, ouais. J'ai écouté ça à un moment de, à un certain moment donné où, si tu veux, j'étais dans une certaine humeur. T'as enjoué. Et ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est le mot. Et ouais, donc, du coup, ça m'a vachement botté. Notamment quand j'ai regardé les groupes qui passent éventuellement passer. En même temps, et tu t'es dit. Pas vraiment en même temps, tu vois, c'est à cheval. Ouais, en fait, il n'y a rien en même temps, c'est à cheval avec d'autres groupes. Voilà, bah, je me suis dit pourquoi pas, je vais peut-être aller m'amuser avant de, ouais, alors, c'est vrai de retourner à l'apéro. Quoi. Je suis d'accord avec toi sur ce point, c'est que j'irai peut-être jeter un œil quand même. Hein. J'irai peut-être jeter un œil. J'irai peut-être jeter un œil parce que justement, comme tout le monde en parle trop, j'ai envie de voir ce que ça donne en live. Moi, musicalement, ça m'a voilà, pas plus que ça. Mais par contre, j'ai trois mots pour résumer ce groupe: Vietnam, Pearl Harbor et Cuba. Voilà, ça me faisait marrer. Pearl Harbor, c'est en deux mots. Hein. Non, c'est, moi je l'ai mis en deux mots. Et Vietnam aussi, c'est en deux mots. De quoi? Vietnam. Je sais pas de quoi tu parles. Les traits d'union, ça compte pas, hein, comme un mot. Vietnam. C'était juste pour le... Parce que comme ça, parle de guerre, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, le groupe parle que de... Ça parle que de guerre. Ouais, ouais. Eh, c'est donc eux qui sont avec des chars, c'est ça? C'est ça, ouais. Pochette, machin. Et donc, hein. T'aimes pas? Ah, moi, j'adore les chars, non? Bah, c'est vrai que t'es un gros passionné de chars. Ouais. T'as une collection de combien? De 1000 miniatures? Bah, c'est ça, ouais, à peu près, ouais. Ouais. Qui sont tous rangés en file indienne, d'ailleurs. Bah oui, c'est ça. C'est super chiant. Ouais. Bah oui, parce que quand tu rentres chez moi... Donc, attention les chars, attention. Voilà. Bon, bah, Joe, à toi de nous parler d'un groupe. Eh ben écoute, j'en ai plus. Voilà, j'ai tout soufflé. Voilà, je suis. Moi, sinon, tu n'as qu'à nous parler. Il me restait un ministry et que je n'ai pas écouté. Eh ben, on va en parler à ta Qu'est-ce place. Que tu voilà. peux dire sur ce que tu as écouté? Tout à l'heure, tu as écouté vite fait un morceau. De ministry? Ouais. Oui, c'était très rapide et puis je discutais en même temps avec Jack. Ah, donc, bon. Excusez-moi. Si je peux quand même te dire, en l'écoutant en fond. C'est pas mon dada. Oh, oh. Référence hippique. Oui, tout à fait. C'est comment Omar Sharif? Exactement. C'est pas... Moi, ministry, c'est pas mon dada. Et ouais, tu devrais faire les présentations du film dimanche soir. Moi, j'ai écouté un peu aussi. Et bah, en fait, étonnamment... C'est nerdus, quoi. Ouais, j'avais l'impression de connaître mieux que ça. Et en fait, bah, ça m'a pas plus arrêté que ça non plus, quoi. Moi, c'est chaud, je le vois en fait. Je connais pas plus que ça ministry, mais j'ai vu quelques lives et. Ça avait l'air bien. Et écouté quelques morceaux. Après, voilà, j'ai. C'est pas assez chaud, quoi. C'est pas désagréable à trouver, mais d'un morceau sur l'autre, il y avait des morceaux genre j'aimais pas du tout et des morceaux que j'aimais bien, mais sans ouais. plus en fait. C'était pas totalement. Ouais, t'as pas. Non. Mais du, ouais, non, du coup, Corvux, Corax, on en a un peu parlé tout à l'heure. Ouais. Parce que ça fait partie d'un autre groupe que t'avais, c'était quoi? Voilà, c'est ça que j'ai pas écouté. Et à la Béthrine de Martyr, t'as écouté, mais vite fait. Ouais. Sub Rosa, j'avais aussi, j'ai pas écouté. T'as pas écouté? Sub Rosa, d'accord. Bah, je m'en souviens plus, moi, vraiment. Je crois que c'était pas désagréable. Je connais le nom, mais alors, franchement. T'en souviens pas? Non, pas du tout. Bon, bah, Bob, à toi ou à moi? Bah, moi, à la rigueur, si je dois dire. Voilà, c'est. Bah, ça combien t'en reste? Il nous en reste un ou deux. Plus ou moins un coup de cœur, parce que Avatar, je connaissais. Et dans mes découvertes, on va dire que c'est, ouais. On va dire que c'est mon coup de cœur, sans être mon coup de cœur. Parce que. J'ai pas non plus été transcendé, mais j'aime bien. C'est Helmet. Ouais. J'ai trouvé ça sympa. Ça fait vraiment penser au son des années 90, quoi. C'est typique, quoi. Groupe de New York, hein. Metal alternatif, fondé en 89, voilà. Ce groupe est cool, tout simplement, simple et efficace. Voilà. Eh ben, j'ai écouté, je dirais que ce groupe est cool, ça, mais pas si efficace que ça pour moi. Mm. Ça va. Pas, en fait, j'ai pas adhéré au truc. Enfin, je me suis senti en dehors de leur truc. Tu vois, ouais, mais après, j'ai pas écouté. J'ai pensé exactement la même chose, tu vois. Mais je voudrais les voir. Bah, ouais. Du coup, pas moi. Parce que, genre, déjà parce que c'est un groupe, quand même, étonnamment, je sais pas pourquoi, mais historiquement que je connais, j'ai l'impression d'avoir toujours entendu ce nom, The Helmet. Ouais. que alors pour moi ça me faisait penser à un vieux groupe de grunge, enfin que je de l'avoir entendu à cette époque là en fait. Ouais. Et quand j'ai écouté là, j'étais ni enflammé ni rien, j'avais l'impression d'être en dehors du truc, mais j'ai envie d'en écouter plus quoi. Non, mais je trouve qu'ils ont des sons assez intéressants qui sont pas dégueulasses quoi. Non, c'est ça que j'ai bien aimé chez eux quoi. Après, voilà, ça ne m'a pas transcendé, mais c'est dans ce que j'ai eu à écouter et que je ne connaissais pas, parce que The Damned, je connaissais, Electric Wizard, je connaissais, et Avatar, je connaissais. Après, j'ai eu Divine Southern, Townsend et Evergrey, voilà. Donc, et donc non, Helmet est vraiment celui qui est sorti de tout ça. Quoi. Et donc, tu iras les voir ? Ouais, je pense, ouais. En plus, c'est à l'heure de l'apéro, donc ouais, je pense qu'il n'y a pas de souci, j'irai les voir. C'est fou tout ce qui tombe en même temps au moment de l'apéro. Ouais, c'est dingue. Parce que là, on est sur 16h. Ah bah, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Parce que, bah attends, on va prendre l'exemple. Donc, je suppose que toi, Joe, tu iras voir Queen Rush. Alors. C'est ça. Voilà. Alors, pour le coup, j'ai réécouté, bah non, c'est pas pour moi. J'ai barré. Quand je barre. Non mais c'est plus la peine, faut plus m'en parler. Du coup j'ai l'impression moi qu'il me reste il doit t'en rester combien de groupes là, parce que bah moi il me reste deux hein. Ah bah moi aussi. C'est Joe. Trop planant pour toi, c'était ça de quoi Queen's Reach? Oh non, je trouve que c'est mou du slip quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est trop planant. Non mais pas dans mou du slip planant, il y a des trucs planants qui passent, mais là je sais pas, t'as pas envie de te poser des fois? Bah mais en fait tu m'aurais dit si au Hellfest, t'as souvent envie de te poser. Mais la question, c'est quoi que j'ai eu à écouter, moi, qui était comme ça aussi. Mais du coup, bah, est-ce que tu peux nous parler d'un autre groupe que t'aurais hors liste, que t'aurais écouté par hasard? Par hasard, si on n'a pas, c'est pas. Ouais, bah, je regarde. J'avais écouté aussi Larsen, que j'avais apprécié. Ouais. Bah, il me semble en avoir parlé en disant que j'avais pas trop aimé. J'ai réécouté et j'ai plus aimé. Donc, est-ce que j'étais tombé sur... Réécoute et peut-être que tu vas détester. Ouais, j'ai réécouté encore 20 fois pour être sûr. Non, tu vois pas d'autres groupes? Non, sinon, j'ai écouté... Wiz Attack. Ah. Bah après, moi, il y a des groupes que j'ai... Il y en a un qui m'a vachement plu, c'est Mirat. Ah bon? Ouais. Ça bah, sort complètement du lot. J'ai mis un trait, hein, c'est-à-dire que j'ai pas détesté. Hein. Voilà, j'ai bien aimé ça, c'est... une autre couleur quoi, si tu veux, du métal quoi, c'est je l'ai trouvé ça sympa. Une autre couleur que le noir, c'est beau. Ouais, c'est d'autres. Non bah écoute, je réécouterai moi pour me faire un autre avis. Putain, je suis vachement à la bande sur vous en fait quoi. Et tout à l'heure t'as parlé de Booze and Glory, mais tu l'as pas dans tes groupes? Si. Non mais tu l'as écouté en dehors en fait? Ah, j'en ai pas parlé. Voilà, c'est pour ça. Bah attends, tu vas en parler après hein, dans ce cas là t'avais l'air de bien aimer. Bah moi je vais vous parler de Red Fang, qui est un groupe de... Attends, qui est un groupe de heavy metal américain. Ah. C'est ce que j'ai vu sur Wikipédia. Tout à fait. C'est du heavy metal. Alors moi j'aurais dit du stoner, mais bon, moi je suis pas Wikipédia. J'étais super déçu. Par Red Fang? Ah ouais. Je m'attendais à autre chose, tu vois. Bah oui, quand j'ai lu, si t'écoutes du Red Fang en t'attendant à du Annie Cordy, tu vas forcément être déçu. Surtout qu'elle vient pas cette année. Quand j'ai lu les infos, franchement. Elle est malade. Ah ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que... Ah bah ça, c'est intéressant en fait. Du coup, j'ai pas grand chose à dire. Attends, c'est stoner, ça sonne stoner, ça sent stoner, ça groove stoner, c'est le stoner. Voilà, c'est ce que j'ai dit dans la Frog. Du coup, je me suis dit, ça va me plaire. Bah ouais, mais c'est. T'as écouté quoi? Bah, pareil, aléatoire. Puis j'ai pas fait attention au titre du tout, tu sais, j'ai écouté ça comme ça. Moi, j'ai écouté. Regarde les clips aussi qui vont avec, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, moi, en fait, Red Fang, j'aurais dit que c'était. J'ai résumé ça à quoi faire quand on s'ennuie et que boire de la bière et fumer ne suffit plus. On fait de la musique. Ouais. Parce que c'est exactement ça. Red Fang, c'est exactement ça, quoi. En fait, il y a un après-midi où je bossais, je me suis mis les 3 ou 4 albums à la suite. Les premiers albums sont beaucoup plus stoner et les derniers sont ils sont plus faciles d'accès en fait, je dirais. Mais les premiers sont vraiment très stoner dans le bon sens du terme quoi. Et non, enfin c'est ça le problème quand tu écoutes, t'as trop d'artistes à écouter comme ça sur des événements comme le Hellfest. Réécoute Red Fang. Et oui, ça vaut le coup de réécouter, je pense. Bah, mais tu écoutes ça parce que tu as envie d'écouter le maximum de groupes possible. C'est ça. Et que quand tu écoutes, bah forcément tu écoutes à un moment donné, et à ce moment donné-là, t'es peut-être pas chaud, tu vois, pour avoir envie d'écouter du son selon comme les ça. Humeurs, ouais, c'est clair. Alors, c'est, en fait, au tu écoutes à la va-vite. Au début, j'aurais été... Donc, effectivement, comme dit Bob... réécoute. Ah oui. Ouais, réécoute. Ouais. T'as marqué, tu réécoutes ça et tu mets tir, en gros. Tir. Non, en fait, j'allais juste dire que au début, j'aurais pas du tout été d'accord avec toi. Disant, ouais, question d'humeur, mon cul, tout ça. Mais pour avoir écouté plusieurs fois des groupes et avoir totalement changé d'avis à une deuxième écoute, je suis obligé de dire que ouais, l'humeur doit jouer. Ouais, donc, parce que tu sais, je peux passer du métal au reggae. Ouais, mais pourquoi tu d'une ferais ça d'une journée à l'autre. Pourquoi tu ferais ça? Parce qu'en fait, il n'y a aucun groupe de reggae là. T'en as tiré aucun au sort. Pas que. Ah bah je suis désolé, mais pour moi c'est le groupe qu'il fallait qu'il vienne. Bah tu vois, ça faut que je réécoute. Alors attends, juste écoute pour Rancid. Dire ah là, Rancid, écoute Life on Wait, écoute An Out Come the Wolf, le premier album. Alors c'est toi qui as bien aimé le punk, toi qui écoutes un peu de punk aussi. Oui. Ah bah franchement, ouais. c'est du très bon punk. Non mais attends, attends, tu veux en parler de Rancid? Ouais, forcément. Ouais, bah, donc, ouais. Bah, parce que oui, non, j'avais, ouais, ouais. J'avais des choses à dire aussi. Là, c'est intéressant de parler parce que du coup, il y a bah, dans le punk, il y a tous les styles qui vont avec, quoi, qui sont associés au punk. T'as ouais. Le punk hardcore, t'as le punk oi, etc. Il touche un peu à tout, quoi. Moi, Rancid, du coup, j'ai écouté un peu. Ah, et expliquer ton Rancid. Non, sur le moment, j'ai pas accroché. Et du coup, je pense qu'il faut que j'en écoute encore. Ouais. Après, quand t'écoutes comme ça en aléatoire, t'écoutes. Bah, je pense que c'est le problème d'écouter en aléatoire. Je pense aussi parce que. Commence par le commencement. Ouais. Franchement, tu devrais trouver une playlist. Attends, je te fais les... Moi, j'ai remarqué toi, ça. T'écoutes du reggae, écoute Life Won't Wait. Écoute Bob Marley. Franchement. Ouais. Écoute Peter Tosh. Écoute Pierre-Paul Jacques. Hey. Non, mais c'est quoi ça? J'allais dire, n'écoute pas de reggae, mais sa réponse est mieux. Ah ouais. Tu vois ? Ah d'accord. Non, alors ce que j'allais dire, j'ai une playlist, moi, qu'un mec a fait sur Spotify, où justement, il a mis trois chansons de chaque groupe. C'est pas trois chansons, genre du même album. Donc, il a essayé de varier un peu les trucs. Et bah, je te la filerai pour que tu essayes de voir. C'est peut-être plus efficace que d'écouter en aléatoire. Après, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on discute et on échange et on... Tu vois, regarde, moi je vous ai dit écoutez Tyr, bah, aucun de vous deux n'a écouté. Vous allez sûrement l'écouter ouais, parce que vous l'écoutez. Bah, tu vois, on parlait de l'aléatoire. Moi, je t'ai fait zapper au moins 5 chansons en aléatoire. Tu m'as dit non, pas celle-là, non, pas celle-là. Et c'est vrai que j'accrochais pas. Ah. Il a sélectionné les chansons qu'il voulait, il m'a fait écouter. Et là, j'ai dit ah ouais, là ça envoie à Tyr. Mais après, alors, c'est tu vois, tu peux te tromper. Ouais. C'est pour ça que tu vois, j'hésiterai pas à réécouter Red Fang, j'hésiterai pas à réécouter Rancid. Ouais, non, mais il faut. Moi, je vais réécouter Mira parce que justement, ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a semblé intéressant. Et je me souviens avoir bien aimé, mais je me souviens pas de ce que c'est. Donc... Après, c'est exactement ce que je te disais. Il y a tellement de groupes que, bon, bah, il y a des choses. On essaye de les zapper pour passer à autre chose, quoi. Non, mais attends, c'est bon. De manière, c'est qu'un festival. Hein. Si t'as pas tout écouté, t'as pas tout écouté. Hein. Je te dis, ça fait 3 ans. Mais je crois que je vais pas m'en remettre, moi. Surtout que c'est que le vendredi pour l'instant. Ok, donc comme ça fait déjà 1h30 maintenant qu'on vient d'enregistrer, on va essayer d'avancer un peu. Ah ouais. Parce que va falloir. Le temps passe vite. Voilà. Donc moi, je fais mon dernier groupe, comme ça, t'enchaîneras tes deux derniers d'un coup. Hey. Ben ouais. Et en plus, comme ça, Joe après pourra nous parler de Blues and Glory. Parce que... Donc mon dernier groupe, c'était Behemoth, groupe de black et death metal polonais. Alors, ils sont plutôt orientés sataniques, hein, vraiment. Vraiment. Déjà, il y a quand même un album qui s'appelle The Satanist. Hein, donc, franchement. Voilà. Ouais, mais c'est qui? Lequel? The Satanist. Ouais, mais lequel? C'est le dernier. Non, mais lequel? L'album de la maturité. Non, mais je veux dire The Satanist. Mais qui? Lequel? Ah, mais j'ai pas su. Et à la fin, est-ce qu'ils répondent? Non, à la fin, justement, ils laissent un truc en suspense. Voilà, c'est who ça. Who is the... Alors, c'est. Ils flirtent un peu avec le death, et c'est ce qui justement a marché sur moi en fait, parce que ça rend leur écoute plutôt passable. En fait, si tu veux, t'écoutes les morceaux. C'est du black à la base. Ouais, complètement, ouais. Bah, je l'ai dit, black et death metal polonais. Non, mais t'as dit black et death. Mais tu dis, en fait, après, ils flirtent avec le death. En fait, tout à l'heure, j'ai posé une question à Joe en disant est-ce que t'as écouté les premiers albums. Parce que quand t'écoutes les premiers albums de Behemoth, il n'y a pas de prod, c'est dégueulasse, c'est assez inaudible dans le sens. black dur quoi. Et plus ça avance, et surtout dans les derniers albums, plus tu ressens, selon ce que moi j'ai ressenti, beaucoup plus le côté death. Et du coup, t'écoutes beaucoup la mélodie qui se rapproche plus de ce que je peux aimer. Et juste au moment où ça commençait à chanter, là je fais, merde, ils ont tout gâché. Mais ouais, à chaque fois ça m'a fait ça. Et en fait, ce style, black et death metal, ça porte le nom de black and death metal. Voilà. Mais pourtant, musicalement, j'ai beaucoup aimé. Et c'est ce qui me fait dire encore une fois que dans le black, il y a des choses qui peuvent être intéressantes et que je faudrait que je me renseigne un peu plus. Donc, me renseigner sur le grind et le black. Par contre, bon, bah, j'ai pas non plus envie de trop écouter d'autres choses, vu qu'à chaque fois, au bout de 30 secondes, je fais, voilà, ça me gavait. Mais en trois mots, j'aurais dit satanique, déprimé et câlin. Parce qu'au fond, je suis sûr que c'est ce qui leur manque. Putain, on se dirait le matin sur une émission matinale. Ça. Voilà. Ok. Personne d'autre n'a écouté BMAS ? Non. Bah, je connais de noms, et je BMAS, crois que j'ai des potes qui écoutent. Ah, non, je raconte des conneries. Si, j'ai écouté. Non, j'ai pas du tout j'ai pas écouté. Ok. Donc, on va laisser Bob s'exprimer. Alors, bah, moi, mon avant-dernier groupe, Electric Wizard. Oh, fais chier. Rock band britannique qui font plutôt dans le Doomstoner, univers très particulier, assez lourd, ayant pour thème les films d'horreur, la drogue. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que c'est. Et l'auteur, H.P. Lovecraft. C'est un auteur de roman. Bien sûr. Auteur de Les Montagnes Hallucinées, Dans l'abîme du temps, La couleur tombée du ciel, entre autres. Voilà, pour donner... Il a écrit Le Hobbit ou pas ? Non, c'est pas lui. Ah merde. Non, c'est J.K. Rowling qui a écrit. Ah, c'est J.K. Rowling, je les confonds toujours. 8 albums alors actifs, 6 EP, dont un chrono que j'ai marqué. Un chronote ? Oui, c'est ça. Un. Donc, chronote, en fait, pour le mot, qui est le nom de leur EP. Split avec Orange Goblin. Carrément. Ouais, bah en fait, ils sont britanniques, donc je pense qu'ils ont ce petit côté aussi. Patriote, tu vois. D'accord. Fait de la musique un peu stoner, doom, machin. Ah ouais. Et voilà. Je pense que bah, forcément ils se connaissent. Quoi. Ouais, oui, donc, oui. Après, il y a ce côté-là aussi. Petite poignée de main, petite bise parce qu'il y a une nénette dans le groupe. Ah, sympa. Alors. Et voilà. Je la google de suite. Et ouais, ils ont une petite particularité sur scène. Ils mettent des films un peu strange quand ils jouent. Mais il n'y a pas une interview d'eux dans le magazine de ce mois-ci du chanteur Electric Wizard, c'est possible. Parce qu'il il était malade, enfin, il avait un problème, et il est autorisé à reprendre la route, je crois, un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est possible. Ah, j'ai pas personne n'a lu le magazine, en fait. Ben non, parce que pas en entier, ou pas du tout, je ne sais plus. Je vais être bourré, je crois. C'était pas l'apéro. C'est, ben, il était quelle heure que c'est ça. Ben, 13h Ouais, c'est ça. 13h, ouais, c'est l'apéro. Et bah voilà, bon, j'ai fini pour Electric Wizard. Attends, je les ai vus une fois. Ah oui. Ouais, je les ai vus. Est-ce que t'as aimé, est-ce que... Bah je les ai. Ouais, bon, je crois que je fumais à l'époque en plus, quoi. Ça m'a aidé. Le tabac, le cancer de la vie. Ouais, pas que. Mais ça aide, hein, vraiment. Pour apprécier la vallée. J'ai pas du tout aimé, quoi. Je suis resté en dehors du truc, mais violemment. C'est vraiment Doom avec. Ouais, il y a quand même. Doom psyché, quand même. Hein. Ouais. Il y a une certaine sonorité stoner, quand même, derrière. Ah ouais. Qui permet d'apprécier plus le truc. Qui ouvre. Il y a quoi en parallèle ? Plus large public. Ah non, c'est pas possible. Obituary et Sabaton. Ah non, mais attends, c'est la fin de Deep Purple, Belphégor. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va être le début de Rancid. Non, j'ai vraiment pas du tout aimé. Pour ma part, bah, je les ai déjà vus une fois et je vais pas retourner les voir, forcément. Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a Rancid qui débute sur la Warzone juste quasiment après leur show. Donc, j'ai pas envie de rater Rancid. Hein, donc, voilà. Mais sinon, voilà, non, ça plaît. Il y a un public, hein, y a un gros public. Parce que je me rappelle que quand on avait fait le live, il y avait plus de place sous la vallée. Non, c'était. Bah après, ouais, c'est spécos, mais. Voilà. Et toi, ça se laisse porter. Joe, est-ce que t'as écouté Electric Wizard ? Ouais. Et alors ? Bah, sans plus. J'ai pas. C'est lourd, hein. Décroché. Ouais. C'est super lourd, hein, quand même. Ouais, c'est. Moi, ça me. Là, pour le coup, contrairement à tout à l'heure, en fait, quand je regardais ce qui passait, j'ai dit, ah, non, ça me. Je crois que j'ai dû passer les morceaux, parce que c'est. Enfin, mais tu sens, c'est un truc d'ambiance, quoi. C'est pas. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis c'est un truc, bah, c'est, voilà, de drogué, hein, totalement. Hein. Hein, mais c'est, vraiment, ça. C'est vrai que moi, quand je fumais à l'époque, ça, ça aide. Pardon, ça aide. Ah, c'est après, problème, c'est le démarche. Hein. Le côté très, très lourd. Ah, s'il faut aller de la drogue, voilà. Tout ça. Ok, très bien. Puis, bah, pour changer un petit peu du tout au tout. Ouais, tout à fait. Donc, à toi, Joe, qui va nous parler de Booze and Glory. Tant pour moi. Oui, que je ne connaissais pas à la base. Et que, du coup, j'ai vachement accroché. Et en me renseignant un petit peu. Booze and Glory. Warzone. Ce sont des skinheads londoniens. C'est eux le fan de groupe de skinheads ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Et donc ça m'a fait plaisir d'écouter ça parce que du coup, on associe toujours les skinheads à un peu n'importe quoi. Alors que. Ouais, souvent la même chose quand même. Souvent la même chose alors que. Souvent, ouais. À la base, ce n'est pas ça du tout. Non. Et donc je trouve ça un peu dommage et ça me fait plaisir de voir un groupe skinhead au Hellfest. Parce que je pense que ça va redonner. La véritable image du skinhead qui n'est associée à aucunement. Et voilà, j'avais dit pas de politique. Voilà. Pas de politique. Bah, il n'y en a pas besoin parce que le skinhead n'est pas associé à la politique. À la base, ce n'est qu'un style vestimentaire. Adopté quand même par Fils de Prolo. Bon, il y a eu, des détachements dans le groupe skinhead. On avait dit pas de politique, les gars. Il n'y aura pas de politique. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai ça super sérieux. Hey, on a dit pas de politique. Donc, du coup, bon, un groupe super sympa à aller voir. Donc, pareil, super festif. Chanson qui donne envie de prendre l'apéro en même temps de voir le concert. Midi 15, c'est bon. C'est faisable, c'est l'heure de l'apéro. Par contre, à la Warzone, c'est plus complexe. Hein. C'est pas. Enfin, bon, quoi que non. Je pense que pour bien, il y a de la paille. Pour bien commencer la journée. Je veux dire, pour bien commencer la journée, il a revu ses exigences à la glory. Voilà, parce qu'il sera midi, donc... Et le mec, il n'est plus sur 10h30, il est sur midi 15. Non, tu vois, alors que normalement, ça fait quand même presque 2h que tu as commencé. Je pense que la majorité va se lever à midi. Ah non, il y a une Glorious, hein, moi j'ai dit, j'essaye. Une Glorious, j'essaye. Moi, je vais écouter une Glorious. Non, écoute, tire. Mais ça passe tard, ça passe à l'heure de l'apéro. Ouais, mais c'est pas grave. En fait, t'as peur de te niquer Avatar, c'est ça, t'as pas envie de te donner un truc. Avatar. Ah bah oui, non, bah c'est en même temps. C'est pour ça que ça me fait chier. Ok, d'autres choses à dire non, sur. Non, moi j'ai dit j'allais voir Avatar, je vais voir Avatar. Ah, c'est bon. D'autres choses à dire sur Booze and Glory ? Bah j'ai deux mots à dire, bourré d'énergie, voilà. Bourré. Attends, bon, on va pas compter. Hein. C'est l'apéro en même temps. Bourré d'énergie. Très bien. Bon, Bob, dernier groupe. Donc on va rester sur la Warzone, hein. The Damned, hein, forcément. Hey, groupe de punk rock britannique officiant depuis 76 quand même. C'est vrai. Fondé par Captain Sensible. C'est vrai aussi. Pour la petite nota bene, notre père à tous, monsieur Lemmy Kilmister, a joué dans The Damned en 78. Oh, je savais même pas. Hey, ça va pas. Il a joué quoi de la basse? Non, je pense qu'il a joué du triangle. Ou du biou, je sais plus trop. Moi, je suis sûr qu'il a dû faire des claviers. C'est à cette époque-là le groupe. Ou des claquettes, peut-être. Claquettes, je ne sais plus. Donc, pour découvrir The Damned, rien ne vaut Neurose, Net ou Love Song. Je vous les conseille. Voilà. Hein. On laisse un petit Et vous comprendrez ce que The Damned. Et du coup, t'as bien aimé? Beaucoup fort? J'adore le punk rock à l'ancienne comme ça. Ah ouais, mais tu sais que ça tombe en même temps qu'Alestorm et une flemme, ce qui est déjà. Ah, je m'en fous, j'irai pas aller voir parce que j'ai dit j'allais voir Alestorm. Donc. j'ai promis à mon fils que j'irai voir Alestorm. Écoute, moi j'ai écouté Alestorm. Alors, ça c'est très bizarre comme groupe parce que putain, je voulais en parler justement un petit peu parce que j'ai écouté Drink, j'ai réécouté Drink, j'ai réécouté Drink. En fait, le début de la chanson me plaît pas du tout. Mais putain, à chaque fois que le refrain arrive, je chante comme un connard. Ça m'énerve. Mais moi, c'est parce que Chachou, forcément, il adore. Ça, les pirates, machin, truc. Il a commencé par ça. Puis après, maintenant, il me dit ah, tu me mets la musique des pirates. Et je me suis dit si on arrive à le voir à Alstorm, quand le Running Order n'était pas encore sorti, machin, donc à l'époque où on savait qu'il y avait Alstorm, mais qu'on n'était pas au courant à quelle heure il passait, machin. Et s'il n'y a pas un groupe qui passe en même temps que je veux voir, si je peux voir Alstorm, je vais aller voir Alstorm. Juste pour faire une petite vidéo pour Chachou. Ouais. Donc voilà. En fait, c'est le papa qui parle. Voilà, exactement. C'est plus un petit. Mais, toi, là, tu vois, je ferai un rapprochement avec Sabaton, moi. Je trouve ça délirant. Attends, oula, une seconde. C'est tu suis en train de parler tu suis Bob dans ce qu'il dit ou tu pars sur autre chose là? Non, sur Alastor. Ah oui, d'accord. Parce que toi aussi, t'as écouté. Ouais, j'ai écouté un petit peu, ouais. Ah, parce que j'ai cru que t'es arrivé que tu reçois. Ah oui, parce qu'en fait, il s'est absenté encore une fois pour aller aux toilettes. Donc forcément, j'ai cru qu'il débarquait dans la conversation. Mais moi, j'ai écouté, j'ai même regardé un live d'Alastor, mais il y a du clavier quand même. Ouais, mais ça va. Parce qu'il y a le côté festif, tu vois, vraiment, qui prend le dessus. Comme ça bâton, quoi. Oh, je pense que le clavier, c'est face. Sabaton, c'est vraiment très sérieux. Hein. Pour le coup, tu vas être festif, je pense. Essaye de regarder un live de Sabaton, je pense que t'auras plus envie d'y aller. Hein. Parce que le mec, enfin le chanteur, se la raconte grave. Hein. Sabaton, c'est pas le mec à lunettes noires avec la veste argentée militaire, machin, c'est ça. Qui est très comme ça. Ils sont tous habillés en treillis noir, machin. C'est ça. Ah non, je t'assure, autant Alastor, moi, il joue la carte de la dérision à fond, autant Sabaton, pas trop. Hein. Et Powerwolf, les mecs sont maquillés. Hein. Mm. Ah, ils font peur, hein. Ils sont en noir et blanc, dégueulasse. C'est ça qui est assez intéressant. Il a pas une grosse croix, à un moment, il vient sur scène, parce que je les ai vus en live, il vient sur scène avec un gros truc, chandelier, machin, qui fume, c'est plein d'encens et tout. Et là, comme ça, puis il fait des trucs, après... Faut voir, c'est un show quoi, les mecs sont très ouh. C'est... Ouais, puis en même temps, ils sont en main stage 2. Ça... Encore le côté. Ah non, mais si, en main stage 2, bah, ils repassent sur la même d'ailleurs. Powerwolf, c'est un main stage 2. Non, pour revenir à Alastor, donc ce que j'ai vu en live, ça m'a. Effectivement, on trouve le côté pour le coup délirant, amusant. Je comprends pas en fait, parce que j'aime bien, comme je te disais tout à l'heure, quoi. J'écoute, ça me laisse un peu, puis le refrain arrive d'une chanson et tu fais et puis toi-même, t'as envie de taper du pied et t'as envie d'y aller, mais. Avec la bière à la main. Le problème après, c'est The Damned, ça reste The Damned. C'est ça. C'est historique, quoi. C'est ça qui m'emmerde un peu, quoi. Je les reverrai jamais, c'est sûr. Ouais. C'est chaud, quoi. Bah, voilà. Bon, mais bon, alors, on sait tous qu'en plus, on va finir tous les trois sur In Flames. Ah, c'est cramé. Il n'y a pas besoin de. Que dalle. Bon, on a fini avec le tour des groupes. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Merde. Ouais, parfait. Est-ce que vous voulez qu'on arrête là? Shit. Voilà. Et la traduction. Ok, parce qu'on arrive à. On est à 1h43. Ouais, quand même. Ouais, quand on ne devait pas faire moins court. On devait faire plus beaucoup court. Plus long. Ouais, plus long, c'est ça. Du coup, normalement, le prochain numéro sera la semaine prochaine. Ouais, si vous n'avez pas quitté, bonsoir. Si vous n'êtes pas désabonné du site. Et on va voir si on retire autant de groupes, peut-être pas, parce que c'est vrai que du coup, ça fait long. Ah, t'as vu ouais. Non, mais je l'ai reconnu. Tu vois. Et écoutez, voilà, on va arrêter là. Donc, bonne soirée à vous. Salut. On part un peu vite quand même. Est-ce qu'on part pas un peu vite? J'ai l'impression que ça part un peu vite. Est-ce qu'on pioche pas nos quatre groupes? Oh putain, mais complètement. Voilà, c'est ça. Je sais pas. Bah, non, pressé d'aller faire. Non, mais pas du tout. Tu travailles demain? Ouais, pas longtemps. Dans pas longtemps. Ah, j'ai pas l'air. Dans 4 heures. On va faire comme Red Fang, on va faire une petite montre. Ouais, non, bon. Ok, il faut qu'on pioche. Donc, alors, combien on pioche? On avait dit 4. 4 ouais, ou 5? 4, c'est pas mal. 4 c'est bien, 4 ou 5? Je trouve que du coup on reprend la moitié et puis ouais. On écoute après ce qu'on veut. 5 c'est bien, 5. Non, 4, ok. À l'unanimité, on a dit 4, alors tu vas pas faire chier. À l'unanimité, parce que c'est ton podcast que tu vas me faire chier. What? J'ai rien dit. Super, allez, c'est parti. Alors attends, juste je rappelle, on pioche pour le samedi maintenant. Voilà. Le vendredi ouais. C'est fini, on pioche pour le samedi. Zeke. Quoi? Qui c'est quoi? Du reggae? Du reggae, ouais. Non, je l'ai pas. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors en plus, on ne l'a pas. Bah, si, non, j'en ai pas fait d'autres. Non, bah, j'ai mal géré, comme on dit. Non, mais c'est pas grave. C'est pas Zach. C'est Zach. Mais ça fait 300 ans qu'on cherche. C'est Zeke, putain. Zeke. C'est pas le groupe avec la Black, non? Ah non, Zeke, non, c'est le dernier groupe. À la fois rock'n'roll dans le sens le plus pur et le plus excessif, nihiliste au sens punk du terme et metal lorsqu'il s'agit d'appuyer, c'est la Warzone. Merci. Ciao. Ok, à toi Bob. Ouh. Ouais, je sais. Ah, ouais, mais c'est impressionnant. Hein. Ah, bah écoute, je suis moi-même très impressionné. J'espère que je vais pas tomber sur un groupe que je connais. Ah, la talente. Insanity Alert. Impeccable. Ça ne me dit rien. Du tout. Alors, Insanity Alert, Warzone. T'as pas un peu de colle que je le colle sur mon petit cahier? Non, j'ai du scotch. Je veux bien une petite goutte. D'accord. Pas d'apéro. C'est le. D'accord. Tu fais un sketch. Ah, trash crossover qui rappelle DRI ou le Suicidal Tendencies des premiers jours. D'accord. Bon, ok. Écoute, je suis pas un fan de Suicidal Tendencies, mais bon. Non, bah c'est. Pas. Mars Red Sky. Groupe de stoner français. Non, cool. Parfait, je le garde. Je valide. Joe, à toi. C'est il y a plein de groupes. Suspense. C'est un peu ça. Ah, c'est Blood Ceremony. Ah, quand, pardon. Oh, Blood Ceremony. Putain, je sais plus ce que c'est. Parce que j'ai cru que c'était le nom du groupe Suspense. Ça peut en même temps. Attends, Blood Ceremony, La Vallée. Hein ah, j'ai écouté ce. Acid. Je l'ai déjà écouté. Ah, mais, ouais. Acid Funk. Acid Folk et un Hard Rock version vintage. Ouais, c'est, franchement, c'est super spécial. The New Rose. Tiens, c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure avec The Damned. Tu l'as écouté? Non, mais ils ont un morceau qui s'appelle New Rose. Allez. Alors, The New Rose. The New Rose. The New Rose. Ah, j'ai. Main Stage 1. Compte un paquet de super groupes. Dans ses influences, BB King, Chuck Berry, AC/DC, Kid Rock, Box Space. Oh là là là là. C'est quoi cette merde? Eh, on a dit pas de politique. C'est vrai, pardon. Non, excusez-moi. Popularisé par la série Son of Anarchy, le groupe compte bien marquer cette. D'accord. Ok. Je connais pas du tout. Ça me fait rêver en tout cas. Bone Gripper. Ah, bah écoute. Bone Gripper, Valet. Encore. Un combo qui n'a pas besoin. Une musique aussi riche, expressive. Ah, Sludge Doom. Ah bah, c'est ce que j'aime. Electric Wizard, tout ça. Ah, c'est pour moi ça. Ah, Joe. Slidive. Quoi, comment? Comment t'écris ça? Slidive, oui, c'est vrai, Slidive. Oh non. Slidive. Tu notes que pour l'instant, Joe, je trouve tous les groupes sur l'application. Main Stage 2, Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, ouais. Ah, oulala. Il parle de Beatles et d'Oasis quand même. Sérieux? Ah merde. Ah, écoute, hey, pourquoi merde? Bah, Oasis quand même. Bah, Carlos, tout ça. Wall. Et toi, Bob? Pain of Salvation. Oh, bon bah ça j'en parle pas, c'est bon. Je me sers, je me permets. Alors. Dernier groupe pour Joe, mais avant le mien s'il te plaît. Death Heaven. Death Heaven. Death. C'est quoi? Alors. Ah non, non, pas décapité. Death Heaven. Temple. Du black metal par dit ah, mais pas celui du grand méchant Satan. Ah. Il va bien au-delà, explore, dénature, transgresse, explose tous les codes du genre pour leur tailler un short. Bon, bah c'est bon, t'as fait ta critique. C'est des... Nickel, t'es tranquille. C'est vraiment tout ce que j'aime. Hein. C'est beaucoup de chance. J'ai écouté, ouais, c'est. Oh superbe. Airborne. Oh. C'est scandaleux. Tu devrais presque en retirer un. D'ailleurs, tu vas en retirer un autre pour la fin. Ouais, parce que ouais. Franchement, j'en ai marre. Ah, ah bon? T'en as marre d'Airborne? Non, mais c'est pour te dire que j'en écoute de trop, quoi. Faut que j'arrête. Bah, c'est... On t'a prévenu, hein. CDC, c'est bien une fois. My radios. Slow Burn. Tu connais pas Slow Burn? Non. Jean Garcia. Ah oui, d'accord. Putain. Mais je croyais qu'il venait. Il vient pas tout seul cette année. Bah, il vient avec Slow Burn. D'accord, si tu le dis. Bah, bien sûr, je le dis. Moi, je croyais. Ah, c'est bah, à l'heure de l'apéro en plus. Hey! Alors, ça passe à la Vallée. Non. Ok, donc. J'ai le seul album qu'ils ont fait, donc il n'y a pas de souci. Par contre, il passe tard. Ouais. Minuit. Ah, oh je vais peut-être être couché à ce temps-là. Moi, je ne savais même plus qu'il passe les Suicidal Tendencies. Sérieux? Ouais. Il passe. Bah, écoute, oui, j'avais zappé qu'il passait aussi. Non, mais je suis complètement. Ça va me permettre de réécouter. Bah ouais, j'avais zappé. De redécouvrir. Excuse-moi, Joe, t'as oublié de tirer ton dernier. Bah moi c'est pareil, hein, Slow Burn, franchement. Ah bon? Ma critique elle est directe, hein, y a pas de souci. Ah bah comme vous voulez. Ah bah on va finir à 5. Aerosmith. Aerosmith. Ah putain, c'est dommage. Non, mais j'espère que tu vas tomber sur l'équipe pas. Non, c'est jamais, c'est dimanche, c'est dimanche. T'es tranquille. Ah, non, franchement, Aerosmith, je prends beaucoup de plaisir à réécouter ça. Quoi? Aerosmith? Aerosmith. Et bah. Saxon. Et... Ah, ça... alors attends, franchement. J'avais pas écouté ça depuis plus de 15 ans. Et ça, ouais, bah moi aussi. Saxon, j'ai vu au download, j'ai été hyper surpris. Ouais, mais est-ce que c'est la même chose en live et en album? Bah, la musique, en fait, il avait souvent sur les CD. Hein, de... Allez, j'en prends un cinquième. J'en prends un cinquième. C'est pas... mal scotché par tes conneries. Alors, mon cinquième et dernier, pour les vrais. Nails. Bah, je crois que je vais te battre au niveau en termes de... Ah, pas sûr. Nails. Alta. J'ai de la chance. J'ai rien pioché. Death Metal et de Punk. Et de grindcore. Et bah c'est parfait, voilà. Ah, bon, bah écoutez. J'enlève celui-ci ? Non, non, tu le gardes, tu vas en parler. Allez, super. Bon, là on part sur 5, j'avais raison. Donc bon, et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, les gars. Merci pour ce podcast. Et on se revoit la semaine prochaine. Exact. Ciao, ciao. À bientôt. Merci. Salut.